إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, on commence maintenant le deuxième cours dans la lecture de la Risala de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, qui s'intitule Al-Qawa'id al-Arba'a. Al-Qawa'id al-Arba'a, c'est-à-dire les quatre principes. Et ces quatre principes, en ce qui concerne la aqidah du tawhid, la aqidah de la ilaha illallah, et l'explication de la réalité du shirk et de ses dangers. Et donc, on va commencer donc par la lecture du texte lui-même, et on va lire par la suite l'explication du Cheikh Saleh al-Sheikh de cette partie. Et donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, il dit dans son livre Al-Qawa'id al-Arba'a, « I'lam arshadaka Allahu li ta'atih, anna al-hanifiyyata millata Ibrahim » أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك معرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Donc ça c'est l'introduction si on veut avant l'énumération des quatre principes et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah il dit ce qui signifie sache que Allah t'oriente vers son obéissance que Al-Hanifiyya, c'est la religion d'Abraham qui consiste à adorer Allah seul et à lui vouer un culte exclusif en purifiant pour lui notre adoration et notre religion. Et il mentionne comme preuve à ce sujet le verset dans Surat al-Dhariyat, le verset 56, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Il dit « lorsque et si tu as su cela, hein, que Allah est ton créateur, lorsque tu as su que Allah t'a créé pour son adoration, alors sache maintenant que l'adoration, elle n'est pas appelée adoration, excepté si elle est établie sur le tawhid et elle est faite avec elle est avec le tawhid, elle vient avec le tawhid. Donc si elle n'est pas accomplie avec le tawhid, elle ne peut pas être appelée adoration. Il dit de la même manière que la salat, on ne va pas l'appeler salat, excepté si elle est faite avec pureté, hein, avec la purification. Et il dit que si le shirk entre dans une adoration quelconque, eh bien, ce shirk va corrompre cette adoration. Okay. Et si, il dit, c'est la même chose que l'impureté. Si elle entre dans, sur toi lorsque tu, yani, lorsque tu es en état de pureté, si tu fais quelque chose qui annule ton wudu, eh bien, ça va annuler ta, ta purification. Eh bien, c'est la même chose pour le tawhid et ton adoration. Si tu fais ton adoration, puis que par la suite, tu rentres du shirk dans ton adoration, eh bien, ça va la corrompre. Et cette adoration-là ne sera plus valable, ne sera plus une adoration dans ce cas-là. Et il dit, et si tu as su que le shirk, lorsqu'il est mélangé avec une adoration quelconque, eh bien, elle le corrompt, eh bien, ça, et en fait que ça va détruire cette action-là, ça va la rendre vaine et nulle, eh bien, la personne qui commet cet acte de shirk, il va être parmi ceux qui sont yani, voués à l'enfer éternel et qui vont rester en enfer pour l'éternité. Donc, si tu as compris cela, eh bien, tu vas comprendre que le plus important dans la religion, la chose la plus importante pour toi dans cette religion, qui est comme une obligation et comme un devoir pour toi dans cette religion, c'est donc de connaître cela, c'est-à-dire de connaître la réalité du tawhid et de connaître le danger et la gravité et la réalité du shirk. Et il dit qu'en connaissant cela, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va arriver, va te protéger, te sauver, t'épargner de ce filet du shirk, hein, qui est le shirk, hein, le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos du shirk en question que certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre à qui il veut. Donc tout autre péché qui est moindre que le shirk, il le pardonne à qui il veut. Sauf que si c'est yani un péché qui est shirk, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de pardon pour la personne qui est morte sur le shirk. Si la personne meurt sur le shirk, elle n'a pas d'espoir d'être pardonnée. Ça veut dire, pour cette personne, c'est l'enfer éternel. Si elle est morte sur le shirk, sans se repentir avant sa mort. Toutefois, si elle fait d'autres péchés qui sont moindres que le shirk, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner s'il veut. Et il dit donc, on va arriver à comprendre et à connaître la réalité du tawhid et la réalité du shirk en connaissant les quatre règles que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans son livre, et il va les énumérer et les expliquer. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lire l'explication de Cheikh Saleh al-Sheikh de qu'est-ce qu'on vient de lire maintenant, de qu'est-ce qu'on vient de traduire également. Donc le Cheikh Saleh al-Sheikh, hafizahullah ta'ala, il dit qawluhu اعلم أرشدك الله لطاعته أن هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد وأول ذلك أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام وجعل الله جل وعلا إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن طريق الشرك إلى التوحيد الخالص والحنيفية هي الملة التي مالت عن كل باطل وانحازت إلى الحق وابتعدت من كل باطل واقتربت من الحق وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام كما قال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Donc le cheikh il explique que lorsque le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit sache que Allah t'oriente vers son obéissance, il dit ça c'est une introduction et une entrée vers ces quatre principes qu'on va expliquer. Et il commence par le fait d'expliquer que al-hanifiyya qui vient du mot hanif, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est la religion d'Abraham et ça signifie de se pencher vers la vérité, hein, d'avoir un penchant direct vers la vérité et de s'écarter naturellement du shirk, hein, vers le tawhid pur. Et Ibrahim, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un hanif. Un hanif, c'est-à-dire un serviteur qui penche naturellement vers le tawhid, vers l'unicité d'Allah, et qui s'éloigne naturellement, yani, de l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala et du shirk. Et il était donc, Ibrahim alayhi salam était donc un hanif, un pur monothéiste. Et al-hanifiyya, c'est ce que ça signifie en réalité. Le cheikh, il définit al-hanifiyya en disant que c'est la voie, hein, et c'est la religion qui fait en sorte que tu penches, ou tu t'écartes naturellement de tout ce qui est faux. Et que tu te tournes ou que tu te penches directement vers la vérité. Et que tu t'éloignes de tout chemin ou de toute chose qui est fausse et que tu te rapproches de la vérité. Et c'est la voie de notre père Abraham. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans Surat Al-Imran, le verset 67, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était un musulman hanif, hein, un musulman, c'est-à-dire quelqu'un qui était musulman, soumis à Allah et qui était un pur monothéiste, c'est-à-dire qui s'écartait naturellement du shirk et qui se penchait directement vers l'adoration d'Allah seul et vers le tawhid. Il mentionne un autre verset également à ce sujet, le verset 120 et 121, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, le premier verset, c'était le verset 67 dans Surat Al-Imran, un verset très important, parce que souvent vous entendez des juifs ou des chrétiens qui disent les trois grandes religions monothéistes, hein, sont les religions ibrahimiques, alors qu'en réalité les juifs et les chrétiens n'ont rien de la religion d'Abraham, puisqu'ils adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils prennent entre eux et Allah des seigneurs et des égaux. Et on voit ici que Allah subhanahu wa ta'ala justement a démenti cette prétention de la part des juifs et des chrétiens, puisque Ibrahim alayhi salam, il n'était ni juif ni chrétien, il est venu avant, hein, avant Bani Israël, avant le peuple d'Israël, avant Jacob et avant la Torah, hein, et avant l'Injil aussi. Donc il n'était ni juif ni chrétien, mais il était un musulman pur monothéiste qui se détourne du shirk, qui penche directement vers et naturellement vers le tawhid et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset 120 et 121 dans Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces deux versets ce qui signifie Ibrahim, certes Abraham, Ibrahim était une umma, hein, à lui-même, c'est-à-dire un exemple, un modèle à suivre, qui était obéissant à Allah et qui était hanif. Qui était hanif, c'est-à-dire qui se détournait du shirk et qui se tournait directement, naturellement vers le tawhid et l'adoration d'Allah seul. Et il ne faisait pas partie du nombre des mushrikines. Il ne faisait pas partie du nombre de ceux qui donnent à Allah des partenaires et des associés dans l'adoration et qui adorent d'autres avec Allah ou d'autres que Allah. Et il était reconnaissant envers ses multiples grâces, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a rapproché de lui et l'a guidé vers un chemin droit. Donc ça, c'est la signification de ces versets. Ensuite, le cheikh, il dit wa haqiqatu millati ibrahim hiya tahqiqu ma'na la ilaha illa Allah kama qala jalla wa ala fi surati az-zukhruf وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وهذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله. قال وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي وهذه هي كلمة التوحيد إنني براء مما تعبدون وهذا هو النصف الذي هو النفي في كلمة التوحيد يعني قول لا إله معناه إنني براء مما تعبدون وإلا الله يعني إلا الذي فطرني وجعلها كلمة باقية في عقبه فأعظم تفسير لكلمة التوحيد هو هذه الآية حيث قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولهذا قال أهل العلم إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، والنفي فيه البراءة من كل معبود سوى الله جل وعلا، ومن عبادة كل ما سوى الله جل وعلا، لأن عبادة ما سوى الله تعالى باطلة. وإثبات العبادة لله وحده سبحانه يعني إنزال العبودية الحقة المستحقة في واحد وهو الله سبحانه وتعالى. هذه هي ملة إبراهيم، وهذه هي الحنيفية، وهي التي أمر الله جل وعلا نبيه بالاستمساك بها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني ملة إبراهيم هي التوحيد. Donc le cheikh il explique que la réalité de la religion d'Abraham, c'est en réalité de réaliser la signification de la parole du tawhid qui est « La ilaha illallah ». C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et ça c'est la traduction exacte et correcte du témoignage de la foi en l'unicité d'Allah dans l'islam. Parce que malheureusement, beaucoup de musulmans ne savent pas traduire cette parole correctement. Et donc, ils traduisent cette parole en disant « Il n'est de Dieu que Dieu ». Et ça, c'est une traduction qui n'a aucun sens et qui n'a aucune signification et qui n'a aucun rapport avec la réalité de ce que signifie cette parole-là. Puisque la signification correcte, comme on va le voir, c'est que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et lorsqu'on dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est là que la parole en question prend justement son sens réel et obtient une signification profonde et vraiment qui vient vraiment trancher entre la réalité du tawhid et du shirk. Puisque on va le voir même dans l'explication que le cheikh il donne maintenant, il parle du verset 26 à 28 dans sourate Az-Zukhruf. Et dans ces versets, le cheikh est en train d'expliquer en fait que il y a dans ce verset-là l'interprétation de la parole du tawhid, de la ilaha illallah. C'est-à-dire que ce verset-là nous donne l'interprétation et la compréhension réelle de ce que signifie la ilaha illallah. Et que c'est ça la religion d'Abraham. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il dit ce qui signifie, « Et lorsque Ibrahim alayhi salam dit à son père et à son peuple, « Innani bara'um mimma ta'budun. » Certes, je me désavoue de tout ce que vous adorez. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Excepté de celui, c'est-à-dire je me désavoue de ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé. C'est-à-dire parmi ce que vous adorez celui qui m'a créé et autre. Vous adorez celui qui m'a adoré, vous adorez celui qui m'a créé et d'autres choses en dehors. Parce que le peuple d'Abraham, ils adoraient les statues, ils adoraient les astres, ils adoraient les idoles, ils adoraient toutes sortes de choses en dehors d'Allah. Et ils adoraient également Allah, subhanahu wa ta'ala, parmi les choses qu'ils adoraient. Et Ibrahim, alayhi salam, dans ce verset-là, il dit à son peuple et à son père, je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, parce que c'est lui qui va me guider. C'est lui seulement qui a la capacité de me guider. Et il en a fait une parole qui reste dans sa progéniture pour qu'il puisse revenir. Donc cette parole qui reste, c'est la parole de la ilaha illallah. La parole qui signifie que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le cheikh il va découper le verset pour montrer en fait le parallèle qui existe entre ce verset et le témoignage de la ilaha illallah. Et donc il dit que ce verset-là, quand Ibrahim alayhi salam dit innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, eh bien c'est parallèle avec la parole du tawhid, puisque la parole du tawhid elle est divisée en deux parties. L'affirmation et la négation. La ilaha, c'est la partie dans cette phrase qui est la négation. La ilaha. Et l'affirmation, c'est illallah. hein, c'est la deuxième partie du témoignage. Et bien dans le verset dans lequel Ibrahim il exprime donc son désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et bien il y a aussi une affirmation et une négation. Il dit innani bara'um mimma ta'budun, ça c'est la négation, ça correspond à la ilaha, je me désavoue de tout ce que vous adorez, ça correspond à rien ne mérite d'être adoré, la ilaha, parce que l'ilaha en arabe c'est ce qui est adoré. Donc la ilaha ça veut dire rien ne mérite d'être adoré, puisque la phrase ou la partie où on dit ne mérite, ça c'est sous-entendu dans le verset, c'est sous-entendu dans la phrase plutôt, puisque dans la langue arabe ça fait partie de la langue arabe que des choses parfois ne sont pas dites explicitement mais sont sous-entendues, et ce sens qui est sous-entendu on le comprend par son contexte et par son interprétation aussi, et c'est pour cette raison-là qu'on retourne par exemple à des versets comme ce verset-là dans le Coran pour nous aider justement à comprendre le sens réel de ce que signifie la ilaha illallah. Et donc on voit que donc innani bara'um mimma ta'budun, certes je me désavoue de tout ce que vous adorez, je suis innocent de tout ce que vous adorez en dehors d'Allah. Hein, je suis innocent de tout ce que vous adorez, et après il dit excepté de celui qui m'a créé. Ça c'est l'affirmation illallah. Celui qui m'a créé c'est Allah. Donc je me désavoue de tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, et j'affirme que c'est seulement Allah que j'adore et que c'est lui seul qui mérite mon adoration. Et cette parole donc c'est le cheikh il dit que c'est la signification même de la ilaha illallah. Et les savants de tafsir ont dit que ça c'est le verset qui explique le mieux, un des versets qui explique le mieux la signification de la ilaha illallah et la parole du tawhid. Dans ce verset, lorsque Ibrahim alayhi salam dit innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. C'est-à-dire je me désavoue de tout ce que vous adorez excepté de celui qui m'a créé. Et c'est pour ça que les hommes de science ont dit que la parole du tawhid de la ilaha illallah, elle comprend donc une négation et une affirmation. Et la négation, c'est le fait de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et que toute adoration qui est vouée à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est fausse. Hein? Et que l'adoration qui doit être affirmée, c'est l'adoration d'Allah seul, et c'est la seule qui est valable, et c'est la seule qui est vraie, c'est la seule qui est méritée, hein, parce que c'est Allah seul qui mérite notre adoration, et c'est ça la religion d'Abraham, c'est ça la religion d'Abraham, et c'est ce qu'on appelle en arabe al-hanifiyya. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de suivre. Et il a ordonné de s'y accrocher dans le verset 123 dans sourate An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham en pur monothéiste, hein, en hanif. Donc, al-hanifiyya, c'est la religion de l'islam, c'est la religion d'Abraham, c'est la religion du tawhid. D'accord? Et donc, ça réfute, comme on a dit, ceux qui prétendent parmi les juifs et les chrétiens qu'ils font partie de ceux qui suivent la religion d'Abraham. Ils ne suivent pas réellement la religion d'Abraham puisqu'ils ne sont pas sur le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'est pas sur le tawhid d'Allah et qui ne suit pas la religion du tawhid, il ne peut pas être sur la religion d'Abraham. Il ne peut pas non plus être sur la religion des prophètes, parce que tous les prophètes ont suivi le tawhid. Et c'est la chose la plus importante et le plus fondamental dans la religion des prophètes. Le cheikh il dit ensuite: "Wa idha arafta hadha fa inna al-ibada la tuqbalu illa bit-tawhid, wa dhalika mithl at-tahara lis-salah, fa inna at-tawhida shart qabul العبادة يعني الإخلاص والطهارة شرط صحة الصلاة فكما أنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة فكذلك لا تصح عبادة أحد إلا إذا كان موحدا ولو كان في جبهته أثر السجود أو كان صواما بالنهار قواما بالليل فإن شرط قبول ذلك أن يكون موحدا مخلصا. وقال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا في الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Donc le cheikh il explique que il dit si tu as su cela alors sache que l'adoration ne sera pas acceptée excepté avec le tawhid. Et c'est comme la pureté pour la salat. Il dit que le tawhid le tawhid fait partie des conditions pour que notre adoration soit acceptée. C'est-à-dire al-ikhlas. Al-ikhlas, la sincérité, la pureté dans notre adoration. C'est-à-dire qu'on rende notre adoration pure. On adore que Allah subhanahu wa ta'ala, on adore personne d'autre que lui et yani on la fait avec sincérité pour Allah seul. Et la pureté, c'est une condition dans la validité de la salat. Donc, si tu n'es pas en état de pureté, ta salat ne sera pas valide. Eh bien, de la même manière que ta salat ne sera pas valide sans la pureté, la même chose, ton adoration ne sera pas valide si tu n'es pas un muwahhid, c'est-à-dire si tu n'es pas parmi les gens qui ont mis en application et en pratique le tawhid. Et il dit... même si sur ton front il y avait une marque de prosternation, même si tu faisais partie des gens qui jeûnent constamment pendant la journée et qui prient constamment pendant la nuit, tes actions ne seraient pas valables, excepté si tu es parmi les gens du tawhid pur. Et il donne la preuve de ça dans les versets dans le Coran, le verset 65 et 66 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il s'adresse au messager. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse directement au messager et il lui dit « Nous t'avons révélé à toi ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi que si tu commets le shirk, c'est-à-dire si toi, ô Muhammad, tu commets le shirk, tes œuvres seront certes vaines. Hein? Tes œuvres seront certes vaines. » Et tu seras du nombre des perdants. Mais c'est Allah seul que tu dois adorer et sois du nombre des reconnaissants. Donc ici on voit dans le verset que Allah subhanahu wa ta'ala donne un exemple en citant comme exemple le meilleur des hommes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour dire que même si cet homme-là, qui est le meilleur des hommes, qui est un messager d'Allah, qui est protégé de ce genre de péché, tomberait dans le shirk, eh bien ses œuvres seraient vaines et il serait du nombre des perdants. Alors si c'est le cas pour lui, alors c'est encore plus le cas pour n'importe quel autre parmi les hommes. Hein? Et ça c'est pour dire que il ne faut pas uniquement regarder les signes apparents ou extérieurs de l'adoration d'une personne. Peut-être que quelqu'un a beaucoup de signes d'adoration et il montre qu'il fait beaucoup d'adoration, mais si cette adoration-là, elle est faite avec du shirk, elle n'aura aucune valeur. Hein? Elle n'aura aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens, par exemple, parmi les hommes sur la terre, font beaucoup d'adoration. Parmi les différentes religions qui existent dans le monde, ils font beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup d'actes de bien. Hein? Regardez les prêtres, les moines, les rabbins. Hein? Des gens qui restent en train de faire des longues prières. Des gens qui vivent des fois dans des monastères et qui passent leur journée et leur nuit dans la méditation, dans la prière, dans la réflexion, dans toutes sortes de choses qui sont des dévotions soi-disant dans leur religion pour adorer Dieu ou des choses comme ça. La même chose vous trouvez chez des gens qui font des actes de bien parmi les hommes, ceux qui donnent beaucoup d'argent en charité, qui font par exemple des dons de leurs biens, qui ouvrent des écoles, qui ouvrent des hôpitaux, qui font creuser des puits, qui font beaucoup de travail humanitaire pour aider les gens. Et malgré tout ça, hein, ils n'ont pas tout ce qu'ils font de bien, ils font ces actes d'adoration-là, ou ces actes de bien, mais ils le font avec du shirk. Donc, le résultat, c'est que ils n'auront aucune récompense pour les œuvres qu'ils ont faites au jour de la résurrection. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala peut les récompenser dans cette vie d'ici-bas par des choses de bien qui peuvent leur arriver. Mais dans l'au-delà, ils n'auront rien excepté le feu. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ula'ika laysa lahum fil akhirati illa an-nar » Ceux-là, ils n'auront rien d'autre dans l'au-delà excepté le feu. Et il dit donc, comme il l'a mentionné pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il dit que ce soit toi ou les prophètes qui sont venus avant toi, si vous faites le shirk, vos œuvres seront vaines. Il mentionne un autre verset aussi, le verset 23, dans Surat Al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا » C'est-à-dire que les kuffars qui ont fait beaucoup d'œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que au jour de la résurrection, il va faire de ces œuvres-là comme il va les rendre comme de la poussière qui est éparpillée par le vent. Donc ils n'auront aucun fruit, hein, ils ne vont garder de ces choses-là aucune récompense de ce qu'ils ont fait. Ils se seront fatigués pour rien. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait cela pour Allah seul, ils ne se sont pas établis sur le tawhid dans leurs œuvres. Le cheikh il dit ensuite: فعظيم العبادة وكثرة العبادة إذا لم تكن مع الإخلاص فإنها غير مقبولة. كما أن الرجل يصلي صلاة عظيمة يطيل فيها القيام يطيل فيها الركوع يطيل فيها السجود يحسنها جدا وإذا دخل فيها على غير طهارة فهذا صلاة غير مقبولة بالإجماع لأن الطهارة شرط صحة الصلاة كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقال لا صلاة إلا بطهور وهذا شرط متفق عليه. Donc le cheikh il explique que les grandes adorations que tu peux faire et la grande quantité d'adorations que tu peux accomplir, si elles ne sont pas accomplies avec ikhlas, avec sincérité, eh bien elles ne seront pas acceptées. Il dit c'est comme l'homme qui fait une grande prière, une longue prière, il fait un long qiyam, il récite un long verset dans le qiyam pendant qu'il est debout dans la prière. Et après, il fait le recours et il fait un très long recours, hein, dans lequel il fait beaucoup de rappels et beaucoup de glorification d'Allah. Et après, il se prosterne. Dans sa prosternation, il reste longtemps et il fait beaucoup de dua, beaucoup d'invocations, beaucoup de dhikr, hein, de rappels d'Allah et de glorification d'Allah. Et il fait son possible pour embellir sa prière et la faire la plus belle possible et la meilleure possible. Mais il est entré dans cette prière-là sans même avoir fait le wudu. Hein? C'est ça la situation maintenant de la personne qui fait des actes d'adoration, hein, et qui, par exemple, n'a pas établi cette adoration-là avec le tawhid. C'est comme la personne qui prie sans purification. C'est la même chose. Il n'aura aucune récompense pour ça. Même s'il a prié la prière la plus parfaite, hein, au monde, il n'aura aucune récompense et elle ne sera pas acceptée de lui, car la purification et la pureté est une condition pour la validité de la salat, comme cela a été mentionné dans le hadith authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit que la prière de quelqu'un, Allah ne va pas accepter la prière de quelqu'un d'entre vous lorsqu'il a fait un acte qui annule son ablution jusqu'à ce qu'il fasse son ablution, jusqu'à ce qu'il fasse son wudu. Et dans l'autre hadith, hein, il mentionne que la salat n'est pas acceptée, excepté avec la purification. Donc tu dois être en état de pureté. Et c'est un hadith qui est rapporté et qui est authentique. Donc, quand on voit ce genre de choses, on comprend donc l'importance du tawhid, l'importance du tawhid dans l'adoration. pour que nos œuvres soient acceptées. Et le Cheikh dit « وَهَذَا تَقْرِيبٌ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْعَظِيمَةِ وَإِلَّا فَإِنَّ شَرْطَ الْإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ لِقَبُولِ الْعِبَادَةِ أَعْظَمُ مِنْ شَرْطِ الطَّهَارَةِ لِقَبُولِ الصَّلَاةِ لأنه إذا صلى محدثاً متعمداً فإن في تكفيره خلافاً بين أهل العلم أما إذا عبد الله مشركاً فإنه بالإجماع ليس مقبول العبادة وبالإجماع هو كافر لأنه أشرك بالله الشرك الأكبر الذي لا يقبل معه عمل. Donc le Cheikh il dit ici c'est juste pour en fait faire un parallèle pour essayer de nous faire comprendre l'importance de cette question et la grandeur de cette question là. Mais sinon lorsqu'on regarde les choses comme telles quelles, par exemple on voit que la question de la condition de la pureté du tawhid dans la validité, dans l'acceptation des œuvres et de l'adoration, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus grand que la validité de la condition de la pureté dans la validité et dans l'acceptation de la salat. C'est beaucoup plus grand parce que le tawhid c'est la base même de la religion. Et il dit que en ce qui concerne la personne qui prierait par exemple intentionnellement sans faire son ablution, il y a une divergence d'opinion entre les hommes de science à savoir est-ce qu'il est mécréant ou non. Parce que celui qui fait ça, c'est clair qu'il joue avec la religion. Hein, quelqu'un qui intentionnellement ferait la prière sans voudou, hein, ou sans, en état d'impureté, alors qu'il sait très bien qu'il est en état d'impureté, et il décide de le faire volontairement. Il y a une divergence entre les hommes de science, est-ce qu'il est kafir ou non. Ça veut dire que c'est grave. Mais en ce qui concerne celui qui adore Allah alors qu'il est mushrik, il n'y a pas de doute. Hein, et il n'y a pas de divergence. Et il y a un consensus sur le fait que son adoration n'est pas acceptée. Et que cette personne est mécréante parce que le shirk avec Allah, le shirk majeur, il n'y a aucune œuvre qui peut être acceptée avec la personne, lorsque la personne est sur le shirk majeur. Le Cheikh il dit ensuite, « إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا الْأَصْلِ يَجْعَلُ الْمَرْءِ يَخَافُ وَيَفْرَحُ يخاف من الشرك ويخاف أن يكون من أهله ويفرح أن جعله الله جل وعلا من أهل التوحيد وفرحه بأن جعله الله من أهل التوحيد يوجب شكر ذلك والمحافظة عليه وخوفه وهربه من أن يكون من أهل الشرك أو أن يأتيه بعض الشرك يجعله دائم الحذر أن يعتري عبادته أو عبادته أو أقواله شيء من الشركيات لأن الشركيات إذا كانت من الشرك الأكبر فإنها محبطة للعمل وإذا كانت من الشرك الأصغر فإنها أعظم من البدع والمعاصي المختلفة أعني من حيث الجنس وهذا لا شك يجعل المرأة الخائف الراجي الفرحة بالتوحيد الخائفة من الشرك يجعله يطلب هذه القواعد التي تجعله في يقين من أمره. Donc le Cheikh il dit, donc une fois qu'on a compris cela et que c'est établi pour nous, hein, c'est clair pour nous, hein, ça fait en sorte que on va se réjouir, on va avoir peur d'un côté et on va se réjouir d'un autre. On va avoir peur du shirk, hein, et on va avoir peur de faire partie déjà du shirk, parce qu'on a compris la gravité et le danger de ça, et on va se réjouir du fait que Allah a fait de nous quelqu'un qui fait partie des gens du tawhid. Donc on se réjouit, hein, d'être parmi ou d'être du nombre des gens du tawhid, et ça nous amène et ça nous oblige d'être reconnaissant pour cette grâce et de faire en sorte d'être reconnaissant et de faire en sorte qu'on puisse rester et préserver cette grâce pour la garder. Et la crainte, hein, et le fait d'avoir peur du shirk et de s'enfuir de tout ce qui pourrait nous faire rentrer dans le nombre des gens du shirk ou de commettre certaines formes de shirk, eh bien ça fait que le musulman il va toujours être sur ses gardes et il va être, essayer de faire en sorte que rien dans ses adorations, dans sa aqida, dans sa croyance ou dans ses paroles ne soit mélangé avec une forme quelconque de shirk. Hein, parce que les différentes formes de shirk, hein, qu'elles soient des formes de shirk majeures qui annulent complètement toutes nos œuvres, ou du shirk mineur qui ne détruisent pas nécessairement toute la validité de tout ce qu'on a fait, mais qui annulent la validité de l'acte dans lequel il y a du shirk mineur dedans, comme la prière qu'on fait par ostentation ou des choses de ce genre, eh bien, ça, même si ce n'est pas quelque chose qui annule toutes les œuvres en entier, c'est quand même, le shirk mineur est quand même plus grave que les péchés, plus grave que les innovations, les diverses formes d'innovation qui existent. C'est en tant que catégorie, hein, en tant que catégorie. C'est-à-dire que c'est plus grave qu'un péché parmi les kaba'ir, si ça fait partie du shirk mineur. Donc c'est pour faire comprendre que c'est pas, on doit pas prendre ça à la légère pour dire ah mais c'est shirk mineur donc c'est pas grave. Non, c'est dangereux quand même, même si c'est pas du shirk majeur, c'est quand même plus grave que un péché parmi les kaba'ir ou aucune innovation. Et le cheikh il dit, il n'y a pas de doute que ça fait en sorte que la personne elle va avoir peur. Et elle va également avoir l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala d'espérer que Allah subhanahu wa ta'ala le garde sur cette guidance. Et il va se réjouir d'être sur le tawhid. Celui qui se réjouit d'être sur le tawhid et qui a peur du shirk, ça fait en sorte qu'il va faire tout ce qu'il peut pour obtenir la connaissance et la compréhension des principes et des règles que le shirk a. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a expliqué dans cette risala pour qu'il soit dans la certitude en ce qui concerne ces questions-là. Et le Cheikh il dit: والتوحيد والشرك في دعوة الإمام المصلح رحمه الله لمن تأمله قد يكون معه شيء من التردد أو الشك في صحة ما جاء به الشيخ من جهة تقرير المسائل ومن جهة الحكم على أهل الشرك والإشراك لأن المسألة عظيمة قد يكون معه شيء من التردد أو الشك في صحة ما جاء به الشيخ من جهة تقرير المسائل ومن جهة الحكم على أهل الشرك والإشراك لأن المسألة عظيمة أن يكون أحد ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتعبد ويكون من أهل العبادات العظيمة من أهل الصلاح حسب ما يعتقد الناس ثم يقال إن عمله الذي عمله من الشركيات أو يقال إنه لما لم يكفر بالطاغوت فيكون عمله هذا كل يعني فيكون عمله هذا كلا شيء وهذا أمر عظيم وشاق على النفوس أن تقبله فربما حدث من جهة النظر في الناس الذين يتعبدون العبادات العظيمة وهم واقعون في الشرك ربما تعظم بعض الناس أن يكون أولئك من المشركين وهذه القواعد لتأصيل هذه المسألة العظيمة هي أن الأمر ينظر فيه إلى حق الله وإنما أتى الخلل من جهة نظر الناس إلى حق المخلوق إلى واقع المخلوق لكن لو نظروا إلى حق الله جل وعلا الذي خلق الإنسان فسواه وعدله والذي خلق السماوات على النحو العجيب وهذا الأرض وأقام الدلائل على وحدانيته وربوبيته وجعل ذلك في النفس وفي الآفاق وفيما حوله يجعل أنه لا حجة لمشرك على الله جل وعلا ولكن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل رحمة لإقامة الحجة ولإعلان النذير. Donc, on va traduire ce passage. Le cheikh, il explique que le tawhid et le shirk, dans la da'wa de l'imam al-muslih, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, celui qui observe et qui médite ce que le Cheikh a établi et a expliqué du Tawhid. Parfois, c'est possible que certaines personnes aient des doutes ou de l'hésitation sur la validité de ce que le Cheikh a mentionné dans la façon qu'il a établi les principes et les règles. Dans le fait que lorsqu'on arrive à utiliser ce qu'il a expliqué pour juger les gens du shirk et les gens qui commettent des actes de shirk, et c'est une question qui est très importante, très grave, dans le fait que lorsqu'on juge les gens qui commettent le shirk et qui pratiquent le shirk, et dans le fait de savoir est-ce que quelqu'un fait partie des gens qui ont dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui font la salat, qui font la zakat, qui font le jeûne, qui font le hajj, qui font beaucoup d'adoration, puis que par la suite on dise que cette personne, en apparence elle fait partie des gens du bien, des gens de la piété, puis qu'on dise que parce qu'il a fait une forme de shirk quelconque, que il n'a pas renié le tarot et que toutes ses œuvres seront vaines. Il dit que ça, c'est quelque chose qui est lourd, pour l'âme d'une personne à accepter, parfois. Dans le sens qu'il y a des gens qui regardent certaines personnes et qui ont de l'admiration pour certaines personnes qui font beaucoup d'actes d'adoration et qui sont pieuses, en apparence. Donc, quand ils entendent les explications du tawhid et les classifications des différentes formes de shirk, et qu'ils voient cette personne qui commet du shirk et qui fait par contre plein de bonnes adorations, ils ont du mal à accepter le fait que cette personne-là fasse partie des gens qui sont leurs œuvres sont vaines. Et ça, on le remarque souvent chez des gens, par exemple parmi les soufis ou bien parmi les musulmans du commun qui n'ont pas étudié les principes de la aqida. Ou bien des gens qui vont regarder les gens uniquement des choses superficielles. Ils ne regardent pas les choses en profondeur ou dans la réalité de leur signification, mais ils regardent uniquement les choses dans l'apparence. Donc ils vont voir, par exemple, supposons les rafidah, en apparence, tu les vois, ils portent les chouyours des rafidah. Portent le turban avec la barbe, ils font la salat, ils font une salat, tu vois leurs femmes qui sont voilées, ils font le jeûne du ramadan, ils font des actes d'adoration. Donc quand tu les vois comme ça, puis tu dis par la suite, mais ces gens-là ils font du shirk, ils font du shirk, c'est-à-dire ils prient à des hommes, ils prient à Ali, ils prient à Hussein, ils prient à d'autres parmi Ahlul Bayt, ils les prennent comme des divinités en dehors d'Allah. Ils font les tawaf autour de leur tombeau. Ils les invoquent dans les moments de détresse. La même chose pour certains parmi les gens qui se disent faire partie des sunnis et de Ahlul Sunnah. Et bien, tu les vois parmi les soufis, ils appellent à l'aide leurs chouyours quand ils ont des moments de détresse ou des moments de malheur ou des difficultés. Et ils demandent à leurs chouyours, ils demandent à Yani, ils les appellent en dehors d'Allah, ceux qu'ils considèrent être des awliya, des saints. Eh bien, ça c'est des gens qui disent, mais si tu vas les voir, tu vas leur expliquer que ces gens-là, en appelant autre que Allah, ils commettent le shirk. Ils vont dire, oui, mais c'est des gens, ils sont pieux, ils font la prière, ils font le jeûne, ils font beaucoup d'ibadat, ils font toujours le dhikr. Comment tu peux dire que leurs œuvres sont vaines? Et donc le cheikh il explique, il dit, peut-être que quelqu'un peut avoir dans le sens de, quand il observe les gens, il voit ça, il voit leurs adorations et les grandes choses qu'ils font, alors qu'ils commettent du shirk, ils ont du mal à accepter que ces gens-là font partie des mushrikines. Il dit, mais si tu comprends les principes et les règles, et que tu as bien compris les fondements de cette grande question, eh bien, tu vas voir que ce qu'il faut regarder en réalité, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le droit d'Allah est plus important que le droit de ces individus qui, en apparence, lorsqu'on les regarde, on pourrait imaginer ou penser que ce sont des gens qui ont un degré de piété ou de religiosité qui montre que c'est des gens qui sont dans le bien. Mais lorsqu'on regarde le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien là on comprend que ces gens-là n'ont pas respecté le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'exclusivité dans l'adoration. Et ce qui fait que, yani, il ne faut pas exagérer la position d'une personne ou d'un groupe de personnes en se basant uniquement sur l'apparence pour établir qu'ils sont qu'ils seraient par exemple sur qu'est-ce qui est correct en mettant de côté les principes et les fondements. Et donc le cheikh il dit, s'il regarde le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé l'homme et qui a modelé l'homme et qui l'a façonné et qui l'a créé parfaitement et qui a créé les cieux et la terre d'une façon étonnante et surprenante et qui a créé la terre et qui a établi les preuves de son unicité dans sa rububiyya et qui a fait qui a créé également l'âme et qui a créé l'horizon, qui a créé toute chose qui est autour de nous et qui a fait qu'il n'y ait aucune preuve et argument de la part du mushrik contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mushrik n'a aucun argument pour justifier son shirk vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pour cette raison malgré tout que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers comme miséricorde pour établir la preuve et pour annoncer l'avertissement contre le shirk. Naam. Donc, ayant dit ça, on a expliqué donc l'introduction de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et l'explication du Cheikh Saleh al-Sheikh. Donc, là maintenant, il est 3h11. Je ne sais pas le programme en fait, les détails du programme, comment ça va se procéder, comment on va procéder. Mais sinon, si vous voulez, soit on continue maintenant, on fait Al-Qa'ida al-Oula, le premier principe, puis on commence. Et sinon, on s'arrête ici, puis on reprend un peu plus tard, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Le prochain cours, c'est après l'Asr ou c'est... Ah, c'est après l'Asr. D'accord. Donc, on va finir la première règle. Inch'Allah. Puis, après ça, on va s'arrêter, Inch'Allah. Al-Qa'idatul Ula. Qala al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Al-Qa'idatul Ula, an ta'lama anna al-kuffar al-lazina qatalahum Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-Khaliq, al-Mudabbir. وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم. Donc on va traduire la première règle. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit ce qui signifie, il explique en fait la première règle dans les principes, le premier principe parmi les quatre principes qui ont rapport avec le tawhid et l'explication du shirk. Il explique ici, il dit que tu dois savoir que les kuffars que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, eh bien, il reconnaissait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. C'est lui qui gère tout et qui contrôle tout. Et que le fait de reconnaître cela et de déclarer cela ne les a pas fait entrer en islam. C'est-à-dire, ça n'a pas fait d'eux des musulmans pour ça. Et la preuve de cela est dans le verset 31 dans Sourate Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Muhammad, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, ou qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et qui fait sortir le mort du vivant, et qui contrôle toute l'affaire et dirige toute l'affaire? Ils diront, certes Allah. Alors dis-leur, n'allez-vous pas donc le craindre, n'allez-vous donc pas le craindre, c'est-à-dire si vous savez que c'est lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le maître et le créateur de tout, et qui vous donne votre subsistance, et qui détient lui la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, et qui contrôle tout dans l'univers, vous savez cela? Alors pourquoi vous adorez autre que lui? Hein? Et donc ça c'est pour réfuter ceux qui acceptent la rububiyya et qui affirment la rububiyya, mais qui malgré leur reconnaissance de la rububiyya continuent à adorer autre que Allah, hein? Continuent à faire le shirk. Donc c'est pour faire comprendre en fait que tawhid al-rububiyya c'est pas suffisant pour que quelqu'un soit reconnu comme étant un musulman. Il faut que la personne accepte les trois catégories de tawhid ensemble. Et on sait que les trois catégories de tawhid, c'est la première, c'est tawhid al-rububiyya, qui est l'unicité d'Allah dans la souveraineté, hein, et dans la seigneurie, dans le fait que c'est Allah seul qui est le créateur, le maître, le pourvoyeur de subsistance, celui qui fait vivre, qui fait mourir, et celui qui contrôle tout. Si tu crois en ça, tu es dans tawhid al-rububiyya. Ça, c'est l'unicité d'Allah dans cet aspect, hein, de croire que Allah est le seul créateur et le seul maître. Mais de croire en ça, c'est pas suffisant pour être un musulman. La preuve de ça, même les mouchriquins de Quraysh, ils le reconnaissaient. Hein? Il y a la deuxième catégorie de tawhid qui est tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid d'Allah dans l'adoration. Et c'est en fait cette catégorie de tawhid qui vient trancher entre les gens du tawhid et les gens du shirk. Et c'est cette catégorie de tawhid que les mouchriquins de Quraysh ont refusé d'accepter, c'est-à-dire de faire en sorte que le culte et l'adoration soient voués exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala soit rejeté et renié. Donc cette catégorie de tawhid, c'est en fait la plus importante, et c'est celle à laquelle les messagers d'Allah ont appelé leur peuple. Et c'est celle qui a causé chez les mouchriquins toute l'opposition et la résistance et le rejet, le refus. Donc, la vraie acceptation du tawhid consiste donc à accepter cette catégorie de tawhid-là. D'accord? Et la troisième catégorie de tawhid, yani, qui découle également de tawhid al-rububiyya, qui est tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs. Et ça aussi, c'est une des attributs fondamentales, c'est-à-dire un des fondements des trois catégories fondamentales du tawhid. Et donc, ces trois catégories-là sont ensemble. On ne peut pas les séparer. Et si quelqu'un se limite uniquement à la première catégorie du tawhid, tawhid al-rububiyya, il n'est pas encore musulman. Hein? Il n'est pas encore musulman, puisque il n'a pas encore rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et c'est ça que le cheikh il va expliquer maintenant dans l'explication qu'il va mentionner maintenant de ce premier principe et de cette première règle. Le cheikh Salih al-Sheikh il dit, rahimahullah, al-qa'ida al-ula an tawhid al-rububiyya la yudkhilu ahadan fi l'islam لأن توحيد الربوبية ليس هو المطلوب فإن معرفة العرب بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وحده هو محيي وحده وهو المميت وحده وهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو الذي إليه الأمر وهو الذي ينزل المطر وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات هذا كله يقرون به فيقرون بأن الذي سخر ذلك وخلقه هو الله وحده ومع ذلك ما نفعهم ولم يجعلهم الله جل وعلا بذلك من أهل الإسلام يقول سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله يعني الإيمان بالربوبية إلا وهم مشركون في عبادة في عبادته أي نعم. Donc on va traduire ça. Le cheikh il explique que la... D'accord, خير إن شاء الله. Naam. Donc, on continue, inshallah. Donc, le cheikh, il explique que cette première règle, il explique dans cette première règle que le tawhid al-rububiyya, tawhid al-rububiyya, ne fait entrer personne en l'islam. Qu'est-ce que c'est tawhid al-rububiyya? On l'a expliqué, mais on va le répéter encore pour que ce soit clair. Tawhid al-rububiyya, c'est le, comme le cheikh il explique, il dit, le tawhid al-rububiyya, c'est quelque chose que même les Arabes, avant l'islam, ils connaissaient. C'est-à-dire que Allah est le seul qui crée, le seul qui donne la subsistance, le seul qui fait vivre, le seul qui fait mourir. Hein? Et donc, il dit aussi, c'est-à-dire c'est lui seul qui peut protéger quelqu'un, et c'est lui seul, que si Allah a décidé qu'il lui arrive quelque chose, personne ne pourra le protéger contre lui. Hein? Et il dit, et wa ilayhi al-amru, wa ilayhi, wa huwa alladhi ilayhi al-amru. C'est à lui qu'appartient le commandement et la décision et l'ordre de toutes choses. Et c'est lui qui fait descendre la pluie. Et c'est lui qui fait, qui crée les jardins. Il dit ma'rouchat, ou rien ma'rouchat, des jardins très, triagés et d'autres qui ne sont pas triagés, comme c'est mentionné dans le verset 6, dans le verset 141 dans Sourate 6, j'ai oublié c'est quoi le numéro, Al-Ra'd, non, 6 c'est Al-An'am, oui, dans le verset 141 dans Sourate Al-An'am, il parle des jardins très âgés et d'autres qui ne sont pas très âgés, ou très aguets, ou très âgés. Très aguets. Bon, tout ça c'est pour dire que c'est Allah qui contrôle tout ce qui se passe et c'est lui qui a tout créé et tout ça. Ça c'est pas suffisant pour être un musulman. Des fois vous entendez par exemple même des gens qui sont parmi les gens qui sont scientifiques, ils vont vous décrire toutes sortes de choses dans la création de l'univers, la création de l'être humain. Des cellules, des trucs de biologie dans le corps humain, toutes sortes de choses comme ça, et qui vont vous dire par exemple que tout ça c'est Dieu qui le fait. Hein? Tout ça c'est des exemples de la rububiyya. Ça ne fait pas entrer quelqu'un dans l'islam. C'est pas suffisant encore pour que la personne soit considérée musulmane encore. Le cheikh il explique et il dit que tout ça, celui qui reconnaît le tawhid al-rububiyya, il reconnaît tout ça. Il reconnaît que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a assujetti tout ce qui existe pour nous. Et qui l'a créé. C'est Allah seul qui l'a créé. Et malgré tout ça, ça ne va pas lui profiter au jour de la résurrection. Il ne va pas être sauvé de l'enfer éternel au jour de la résurrection pour avoir reconnu cette catégorie de tawhid là. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas de cette personne quelqu'un qui fait partie des gens de l'islam ou des musulmans pour cela. Et la preuve, il mentionne le verset 102, 106, le verset 106 dans Sourate Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant des mouchriquins. C'est-à-dire, ils croient en Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils croient en Allah. La plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant des mouchriquins. Ça veut dire que la plupart d'entre eux ne croient qu'en la rububiyya d'Allah. Alors qu'ils font le shirk dans l'adoration. C'est ça la signification du verset. Donc, si tu fais le shirk, et que tu dis, je crois qu'il y a seulement un maître, un seul créateur, que Allah est unique, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et il n'y a personne qui a créé avec lui, puis que par la suite tu vas adorer Sidi Abdul Qadir, ou Sidi Ahmed Tijan, ou je ne sais pas quel autre parmi les soi-disant saints, eh bien, dans ce cas-là, tu n'as pas encore établi le tawhid. D'accord? Le cheikh il dit, وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى حَالِ كُفَّارِ الْعَرَبِ تَرَاهُمْ مُقِرِّينَ بِأَكْثَرْ أَفْرَادِ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ. كما قال جل وعلا قل من يرزقكم من السماوات قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فسيقولون الله يعني الذي يفعل هذه الأشياء هو الله وحده فقل أفلا تتقون يعني أتقولون ذلك وتقرون بوحدانيته في الربوبية ثم لا تتقونه في عبادته وحده وترك الإشراك به فأقام عليهم الحجة بما أقروا به على ما أنكروه وهذه هي طريقة القرآن في إقامة الحجة على المشركين فإن من براهين التوحيد يعني توحيد العبادة أن تقام الحجة بتوحيد الربوبية لأن من كان هو الفاعل وحده يعني هو الخالق وحده والرازق وحده إلى آخره إلى آخر أفراد توحيد الربوبية فإنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى منكرا على المشركين أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وقال سبحانه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ووصف الذين جعلهم المشركون آلهة بأنهم عاجزون وليس لهم قدرة وليس لهم خلق وليس لهم صفات تجعل أولئك يتجهون إليهم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وهذا مثل الذي توجه إليهم العبادة مثل الذين توجه إليهم العبادة donc le cheikh il dit que si tu regardes l'état des kuffars parmi les arabes avant l'islam tu vois qu'ils affirmaient beaucoup des différents aspects de l'unicité d'Allah dans la rububiyya, dans la seigneurie, dans la souveraineté. Hein? Et il mentionne le verset 31 dans Sourate Yunus qu'on a lu tout à l'heure, dans le premier principe, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô Muhammad, hein? Dis ô Muhammad à ces mushrikins, à ces gens qui adorent autre que Allah, qui adorent les idoles, dis-leur, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir le mort du vivant et qui détient toute l'affaire et tout le commandement ?» Ils diront certes Allah. Dis-leur, n'allez-vous pas le craindre dans ce cas-là hein? Et le cheikh, il explique, il dit, ils vont dire Allah. C'est-à-dire, c'est Allah qui fait toutes ces choses. Ils reconnaissent cela. Ils disent que c'est seulement Allah qui contrôle cela et qui fait ces choses-là. Alors, n'allez-vous pas le craindre? C'est-à-dire, allez-vous affirmer hein, l'unicité d'Allah dans la rububiyya? Puis, par la suite, vous ne le craignez pas dans le fait de n'adorer que lui et d'abandonner le shirk que vous faites en adorant les idoles. N'allez-vous pas cesser de faire le shirk après avoir reconnu sa souveraineté et l'unicité qu'il a dans la rububiyya? Donc, Allah a établi contre eux la preuve ici. Il a établi contre eux la preuve en affirmant, en mentionnant l'exemple de ce qu'ils affirment. Hein? Pour les forcer et les obliger à accepter ce qu'ils ont renié. Hein? Parce que c'est pour leur dire, vous acceptez la rububiyya. Mais si vous acceptez la rububiyya, logiquement, ça devrait impliquer et ça devrait vous amener à accepter également tawhid al-uluhiyya. Parce que c'est pas logique que vous acceptiez la rububiyya et le tawhid al-uluhiyya, puis que par la suite, vous contredisiez en adorant d'autres que lui. Parce que si c'est Allah seul qui détient le pouvoir de toutes choses et qui contrôle tout, pourquoi aller adorer quelqu'un d'autre que lui alors, qui ne contrôle rien? Et c'est ça ce que le cheikh il explique, il dit c'est cette manière-là que le Coran utilise pour établir la preuve contre les mushrikines. Et c'est les arguments et les preuves du tawhid dans l'adoration qui ont été établis en utilisant comme argument et comme preuve l'unicité d'Allah dans la rububiyya. Il dit parce que si c'est Allah seul qui fait tout et qui contrôle tout et qui a tout créé et qui donne à chaque chose sa subsistance hein, et tous les autres aspects de la rububiyya, c'est lui seul qui les a faits Alors, n'est-ce pas lui qui mérite seulement l'adoration en dehors de tout autre? Il dit, et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala affirme justement, et lorsqu'il réfute les mushrikin, et qu'il leur dit par exemple dans le verset 191, dans surat Al-A'raf, est-ce qu'ils vont associer et faire le shirk avec Allah en lui associant ce qui ne peut pas créer et qui sont eux-mêmes créés? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il réfute les mushrikines en leur disant, ces idoles que vous adorez, ils n'ont pas des attributs de la rububiyya et les caractéristiques de la rububiyya. La preuve, ils ne peuvent rien créer et ils sont eux-mêmes créés, donc ils ne méritent pas l'adoration. Et un autre exemple, le verset 59 dans surat An-Naml dit « Alhamdulillah et paix sur ses serviteurs choisis. » Et Allah, est-ce que Allah est meilleur ou ceux qu'ils associent à lui? Puis il décrit ceux qu'ils associent à Allah. Ils décrivent les idoles qu'ils associent avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, en disant de ces idoles qu'elles sont impuissantes. Elles n'ont aucune force, aucune capacité, aucune création, et qu'elles ne détiennent aucune des caractéristiques et des attributs qui leur feraient mériter une quelconque forme d'adoration. Et il mentionne même un argument encore dans ce sens-là, dans le verset 73 dans Surat Al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le fait que si une mouche venait à enlever quelque chose ou à prendre quelque chose des choses qui ont été offertes à ses idoles, eh bien, elle ne pourrait même pas, cette idole, reprendre à la mouche ce que la mouche lui a enlevé. Donc, ça c'est la preuve qu'elle ne mériterait pas d'être adorée, puisqu'elles ne peuvent même pas opposer une mouche. Subhanallah. Et donc le cheikh il dit, « وَالْخُلَاصَ أَنَّ إِقْرَارَ الْمُشْرِكِينَ بِالرُّبُوبِيَّةِ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ » Ça me fait rire parce que l'autre jour, je suis allé dans un restaurant pour acheter des sushis. Puis c'était des bouddhistes là-bas. Ils ont mis par terre un petit, comme genre de petit hôtel là, avec une statue d'un, je sais pas si c'est Confucius ou bien Bouddha ou quoi. Et j'étais avec mon petit garçon, Hamad, il a juste 2 ans. Alors, j'ai fait semblant comme si je le voyais pas. Et il a vu la poupée, la statue, en fait. Et là, il s'est dirigé vers la poupée pour lui enlever. Il lui avait donné des trucs, là, un petit peu de thé pour boire, puis un petit peu de choses comme ça. En tout cas, et là, Hamad, il vient et commence à toucher la poupée, puis il veut jouer avec. J'ai dit, tu veux jouer avec la poupée, Hamad? Et puis là, la personne qui était responsable du restaurant qui travaillait là-bas est venue et dit, non, il ne faut pas toucher à ça. Ça m'a fait rire parce que même un petit bébé, Annie, il est plus fort que leurs idoles, tu vois. Donc même l'idole, elle ne peut pas se protéger contre un petit bébé comme ça. Allah al-Musta'an. Donc, al-Khulasa, le cheikh, il dit, en résumé, il dit إن إقرار المشركين بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام ونستنتج من ذلك أن إقرار من بعدهم بالربوبية لا يعني أنهم مؤمنون فإذا أتى آت وقال أنا مؤمن بالله وهو الرب وهو الخالق وأنه هو ربي وهو الذي يرزقني وهو الذي أحياني وهو الذي يميتني فهذا إذا اقتصر على هذه المعاني لم يضف إليها توحيد الألوهية فلا يعد مؤمنا الإيمان الشرعي يعني لا يعد مسلما حتى يأتي بتوحيد الألوهية. Donc le cheikh il dit que en résumé on peut dire que les mushrikin lorsqu'ils affirment l'unicité d'Allah dans la rububiyya, ça ne les fait pas rentrer dans l'islam. Et on peut déduire de ça que le fait que quelqu'un reconnaisse ou que certains d'entre eux reconnaissent l'unicité d'Allah dans la rububiyya, eh bien ça ne veut pas dire qu'ils sont des croyants. Donc si quelqu'un vient te voir puis il te dit je crois en Allah, que c'est lui le Seigneur, que c'est lui le Créateur, que c'est mon Seigneur, que c'est lui qui me donne la subsistance, et c'est lui qui me fait vivre, c'est lui qui va me faire mourir, et qui se limite uniquement à ces significations-là, sans ajouter l'unicité d'Allah dans l'adoration, eh bien, il ne sera pas considéré, selon la définition de la foi en islam, comme un croyant. Et il ne sera pas considéré comme étant un musulman jusqu'à ce qu'il ait ramené la signification de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et ça me fait penser à quelque chose, en fait, et c'est quelque chose qu'on remarque souvent chez les gens de Jama'at al-Tablir. Et ils ont un principe, quelque chose qu'ils appellent les 6 qualités. Ils disent que eux, leur but, c'est d'appeler les musulmans pour faire en sorte qu'ils développent en eux les 6 sifat, les 6 qualités. Puis quand ils mentionnent la première sifat, la première de ces 6 sifat, ils disent que c'est d'affirmer de dire la ilaha illallah avec la certitude que c'est Allah seul qui est le créateur, le pourvoyeur, le maître de toutes choses, et ainsi de suite. En fait, ils ne font qu'énumérer les caractéristiques de la rububiyya, d'accord, sans jamais mentionner rien au sujet de al-uluhiyya et de l'adoration. Donc ça veut dire qu'en réalité, la compréhension du tawhid de Jama'at al-Tablir, elle est basée uniquement sur le tawhid que les mushrikines de Quraysh avaient compris, c'est-à-dire la rububiyya seulement. Donc pour eux, le tawhid al-uluhiyya, ça n'existe pas. Et c'est pas surprenant puisqu'ils font partie des gens de kalam, ils font partie des mutakallimin, ahlul kalam al-maturidiyya. Parce que les ahnaf, si vous le savez, par la plupart d'entre eux, en particulier les gens qui en Inde, qui ont fondé le mouvement de Jama'at al-Tablir, ils font partie du groupe qu'on appelle al-Diobandiyya. C'est une école en Inde qui est une école soufie et qui, s'attache fanatiquement un peu au madhab Hanafi, et qui dans les questions des noms et des attributs d'Allah suit l'école ou la secte qu'on appelle Al-Maturidiyya, qui est une secte qui est semblable à ce qu'on appelle Al-Ash'ariyya. C'est presque la même chose qu'Al-Ash'ariyya. Et donc ces gens-là, parmi les problèmes qu'ils ont, c'est justement qu'ils n'affirment pas les autres attributs que 7 à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, donc, ils n'affirment pas tawhid al-uluhiyya. Ils n'affirment pas tawhid al-asma al-sifat. Pour eux, tawhid al-asma al-sifat, c'est d'affirmer qu'Allah a 6 ou 7 attributs et pas plus. Et les autres, ils les déforment de leur sens. Donc, quand ils parlent du tawhid, la seule catégorie de tawhid qui existe pour eux, c'est tawhid al-rububiyya. Et pour eux, la ilaha illallah, ça veut dire la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la mudabbira illallah. Ça veut dire, il n'y a pas de créateur excepté Allah, il n'y a pas de maître excepté Allah, il n'y a pas de pourvoyeur de subsistance excepté Allah. Mais ça, c'est en fait la rububiyya. Et les mushrikins de Quraysh, eux-mêmes, ils étaient d'accord avec cette catégorie de tawhid-là aussi. Même les chrétiens, aujourd'hui, ils disent la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la mudabbira illallah. Et malgré tout, selon ces gens-là, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on devrait les considérer comme étant des muslimines. Et je me rappelle, même une fois, j'avais une discussion avec les Ahbash, quand je discutais avec eux, et je voyais qu'ils essaient de faire da'wah à des chrétiens pour les appeler à l'islam. J'ai dit, vous dites à des chrétiens de devenir musulmans, alors que eux, ils adorent Jésus et Marie, et vous adorez les awliya, et vous priez même au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous lui faites des doigts et des choses comme ça. Donc comment vous pouvez vouloir les appeler à l'islam, alors que vous-même, vous n'avez pas encore compris l'islam? Ils ont dit, ils m'ont répondu en disant, le problème des chrétiens, c'est pas qu'ils prient à Marie ou à Jésus. Il dit, si il faisait ça, même nous, on peut faire ça, prier à Jésus ou à Marie, c'est pas shirk. Il dit, le problème, c'est qu'ils disent que Jésus est le fils de Dieu. J'ai dit ça, le fait qu'ils disent que Jésus est le fils de Dieu, ça, c'est une forme de shirk, indépendante. C'est-à-dire, c'est une forme de shirk. Mais le fait d'adorer autre que Allah, comme par exemple d'adorer Jésus ou Marie, c'est une autre, une forme de shirk supplémentaire encore. D'accord? Donc, c'est pas le shirk des chrétiens, c'est pas seulement de dire que Jésus est le Fils de Dieu, mais le fait d'adorer Jésus et de lui offrir des actes d'adoration et de l'invoquer en dehors d'Allah, ça c'est une forme de shirk en elle-même qui fait sortir quelqu'un de l'islam. Donc, yani, le fait de croire uniquement que le fait de dire que si tu as dit que Allah c'est le seul maître, le seul créateur et qu'il est unique, ça c'est suffisant pour être parmi les gens du tawhid, c'est suffisant pour être musulman. Et que si tu pries à un homme, à un prophète ou à un ange ou à un djinn ou à un saint et tu dis c'est pas lui le créateur, c'est pas lui qui contrôle quoi que ce soit, c'est seulement Allah qui contrôle, donc ils disent, selon eux, dans ce cas-là, il n'est pas mouchrik, parce qu'il n'a pas affirmé qu'il contrôle l'univers, donc il n'est pas mouchrik. Ça, c'est une mauvaise, ça, c'est une fausse compréhension. Ce n'est pas suffisant d'affirmer la rububiyya pour être un musulman. Et le cheikh, il explique donc cela, il dit « وَلِهَذَا غَلَطَ الْمُتَكَلِّمُونَ حِنَمَا عَرَّفُوا الْإِلَهِ بأنه القادر على الاختراع وقالوا الإله هو القادر على الاختراع فعندهم معنى لا إله إلا الله راجع إلى الربوبية وهذا أعظم غلط على دين الإسلام الذي غلط به المتكلمون على الدين وعلى الملة حيث جعلوا الابتلاء بين الرسل وبين أقوامهم واقعا في الربوبية فعندهم إذا أقر العبد بأن الموجب للأشياء والخالق لها هو الله فإنه يكون عندهم مؤمنا مسلما وهذا غير معنى الألوهية لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله جل وعلا فمعناها راجع إلى العبودية لا إلى العبودية لا إلى الربوبية إذن مراد الشيخ رحمه الله من هذه القاعدة المهمة أن هذه القاعدة يقينية من حال الكفار وحال المشركين في أنهم مقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا لم ينفعهم هذا الإقرار ولم يدخلهم في الإسلام ولم يجعل لهم حقا لأنهم أشركوا مع الله جل وعلا آلهة أخرى وعبدوا آلهتهم الباطلة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Donc le cheikh il dit, c'est ça l'erreur des gens de kalam, al-mutakallimoun. C'est qui les mutakallimoun? C'est les gens de kalam ou les mutakallimoun sont ceux qui parlent du tawhid et des attributs d'Allah et des questions de la croyance religieuse, la croyance islamique, en se basant sur des méthodes philosophiques. D'accord? Donc ils se basent sur des méthodes philosophiques, ils prétendent se baser sur la logique grecque ou d'autres différents principes qu'ils ont empruntés des kuffars pour essayer d'établir la foi et la compréhension du tawhid et d'Allah. Et parmi les groupes qui rentrent dans cette catégorie de ceux qu'on appelle Ahlul Kalam, c'est les sectes comme Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila et Al-Asha'ira ou Al-Maturidiya. Ça, c'est les groupes qui ont dévié dans les questions qui ont rapport avec le tawhid et les noms d'Allah ainsi que ses attributs. Donc, les gens de Kalam, eux, quand ils parlent de Al-Ilah, ils disent que c'est celui qui a la capacité de créer. Donc, pour eux, la divinité, c'est celui qui a la capacité de créer. Donc, ils disent que Al-Ilah, c'est celui qui a la capacité de créer. Donc, quand ils expliquent la ilaha illallah, ils disent personne ne peut créer excepté Allah. C'est ça pour eux la signification de la ilaha illallah. Personne ne peut créer excepté Allah. Donc c'est pour ça qu'ils disent qu'il n'est de Dieu que Dieu. Mais c'est pas ça la signification de la ilaha illallah. Et il y a des gens qui adorent des choses en dehors d'Allah, ils ne croient pas nécessairement que cette chose qu'ils adorent a la capacité de créer. Les mouchriquins, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient des idoles, ils adoraient des objets, des choses en dehors d'Allah. Ils savaient que ces choses-là étaient elles-mêmes créées et qu'elles ne pouvaient pas créer. Mais ils disaient qu'ils pensaient que ces choses-là pouvaient les rapprocher d'Allah. Qu'ils pouvaient être des intercesseurs ou des intermédiaires ou bien même qu'ils pensaient que Allah était lui-même en cette chose. Hein? Allah musta'an. Donc, c'est des exemples de shirk. Et donc, le cheikh explique que la ilaha illallah, pour eux, ça signifie la rububiya seulement. Et ça, c'est une des plus graves erreurs qui ont été faites contre la religion de l'islam. Et c'est pourquoi tu lis même des livres écrits par des orientalistes ou des islamologues non musulmans, parmi les juifs, les chrétiens ou les athées qui écrivent sur l'islam. Et puis tu vois quand ils traduisent les questions qui ont rapport avec les fondements de la foi et de la religion, et tu vois qu'ils traduisent le témoignage de la ilaha illallah de la même manière que ces gens de Kalam. Hein? Alors tu vois d'où vient l'erreur et pourquoi par la suite ils n'arrivent pas à comprendre l'islam. Hein? Pourquoi ces islamologues ne peuvent pas comprendre la réalité de l'islam, parce qu'ils ne comprennent même pas la réalité du témoignage de la foi de l'islam. Il y en a de qu'est-ce qui fait rentrer même en islam une personne. Donc le cheikh il dit, donc ils ont fait de la religion, ces gens-là, les gens de Kalam, ils ont fait une grave erreur contre la religion de l'islam en faisant le conflit entre les messagers et leur peuple comme étant un conflit au sujet de la rububiyya. Hein? Et que comme si les messagers étaient venus dire à leur peuple d'accepter que Allah est le seul créateur. Comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu aux mushrikins de Quraysh pour leur dire vous devez accepter que Dieu existe et qu'il est le seul créateur. Alors que les mushrikins de Quraysh, ils croyaient déjà ça. Ils acceptaient déjà ça. Donc c'était pas ça le conflit en fait. Et donc le cheikh il dit que si ces gens-là croient que, les gens de Kalam, ils croient que si le serviteur il accepte que Allah c'est lui qui a tout créé, hein, eh bien pour eux c'est un musulman, un croyant. Même si il n'a pas établi l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc le cheikh il dit ça c'est faux, parce que la vraie signification de la ilaha illallah c'est que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et ça ramène à l'adoration, à la ubudiyya et non pas à al-uluhiyya. Donc on va terminer maintenant ce premier principe, l'explication du premier principe. Il reste un petit paragraphe. Le cheikh il dit idhan murad al-cheikh rahimahullah min hadhihi al-qa'ida al-muhimma anna hadhihi al-qa'ida yaqiniyya من حال الكفار وحال المشركين في أنهم مقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا لم ينفعهم. Donc c'est ça. Donc le cheikh il veut dire par cette règle importante un principe de yani qui un principe pour établir la certitude que l'état des kuffars et l'état des mushrikin qui affirment la ruboubia et l'unicité d'Allah dans la ruboubia, mais que malgré ça, ça ne les a pas profité dans l'affirmation de ce principe-là, et que ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam, et que ça ne leur a donné aucun droit et aucune vérité, parce qu'ils font le shirk avec Allah en lui attribuant ou en associant avec lui d'autres divinités dans l'adoration, et ils adorent des divinités qui sont fausses. Et ils ont dit, a-t-il fait de toutes les divinités une divinité unique? C'est certes une chose étonnante. Donc ils trouvaient ça étonnant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare que toutes les divinités, toutes les choses qu'ils adoraient devaient être rejetées, et qu'on devait uniquement adorer un seul Dieu, c'est-à-dire Allah seul. وَإِذَا نَظَرْنَا فِي هَذَا الزَّمَنِ وَفِي زَمَنِ الشَّيْخِ وَمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ فِي أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يُوقِنْ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَلَكِنْ يشرك بالعبادة فإن ذلك لا ينفعه كحال الأولين لأن القاعدة أن مشركي العرب كانوا يوقنون بالربوبية واليوم قد يأتي على بعض النفوس ضعف وإذا سمع من يقول إن شاء الله أو سمع من يذكر الله جل وعلا ويقول عن الله إنه هو ربه وهو مولاه أو نحو ذلك ظنه مسلما وقنع منه بذلك وهذا لم يقع الابتلاء به أصلا بل لا بد أن يكون موحدا في عبادته يعني يعبد الله وحده بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ويكون متبرئا خالصا من الشرك وأهله. Donc le cheikh dit, si on regarde dans le passé, et dans l'époque du Cheikh, avant et après, et on voit que il y a des gens qui sont convaincus en la rububiyya d'Allah, mais qui font le shirk dans l'adoration, et que cela ne leur a pas profité, comme l'état des premiers parmi les mushrikins. Et donc la règle, c'est que les mushrikins des Arabes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant, eh bien ils croyaient avec certitude en la rububiyya, mais cela n'a pas fait d'eux des musulmans. C'est comme tu vois par exemple, le cheikh il dit, des fois tu vas voir des gens qui ont la foi faible ou qui ont une âme faible, ils entendent quelqu'un dire Inch'Allah. Hein, vous savez qu'il y a des koufas qui disent Inch'Allah aussi. Peut-être pas en arabe, il y en a qui le disent en français, ou même des arabes chrétiens, ils vont dire Inch'Allah aussi. Ou bien même par exemple, les haïtiens disent souvent ça, si Dieu veut. En créole, on dit tout le temps. On dit tout le temps ça. Les Haïtiens qui ne sont pas musulmans, ils disent toujours ça. Si Dieu veut. Parce que c'est même les chrétiens, ils disent ça. Les juifs, ils disent ça. Les gens dans différentes religions disent ça. Ça ne fait pas d'eux des musulmans. D'accord ? Le cheikh, il dit parce que ça, ce n'est pas suffisant pour que quelqu'un soit considéré comme étant musulman. De même que s'il dit Dieu est mon Seigneur, Allah est mon Seigneur, ou des choses comme ça, il pense qu'il est musulman. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Hein? Parce que le conflit, le conflit à la base, il n'était pas sur ça. Il n'était pas sur la rububiyya. Il était surtout sur le fait de se désavouer du shirk et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et de se désavouer des gens qui pratiquent le shirk. Donc on va s'arrêter donc ici pour ce... deuxième, pour cette première qa'ida, et on expliquera la suite après, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.